qui ne connaissent pas en eux la grandeur. Si vous ne la connaissez pas, la grandeur avant un certain nombre d'années. Votre grandeur ne sera pas mesurée à la grandeur de votre personnalité. Sans ça, je pourrais pas perdre d'énergie, là. Si je vous aimais pas individuellement, je pourrais pas voir. Je ne serais même pas mieux. Je pourrais lui mettre en vie, je pas voir. Alors, quelle que soit votre personnalité, vous trouvez une grande éducation, une petite éducation, vous avez des acteurs de son vie, ça va plus loin. C'est votre vibration qui est essentielle. Et en égalisant le rapport entre nous et les autres, ça égalise le rapport entre vous autres et vous autres. C'est là que vous en allez éventuellement à former une sorte de société anonyme dans laquelle vous avez des rapports qui sont d'abord intéressants, qui vous permettent de parler avec des gens qui vous comprennent. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous allez rencontrer lui, c'est normal. Vous êtes tout seul. Vous pouvez plus être ça. Si vous êtes ça, c'est parce que vous voulez l'être. Mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Autant vous n'avez pas besoin de toujours être en compagnie, autant vous avez le choix d'être en compagnie quand vous voulez. C'est une grande excellence pour l'homme qui cherche, qui se cherche, qui vous devrait être vous. Vale. Faut pas analyser une situation. Tu sens, tu regardes. Éventuellement, tu peux la mesurer, la situation. Si tu viens avec une personne, éventuellement, selon ton expérience avec cette personne-là, tu le sais si cette personne-là. Et c'est à longueur d'onde ou non, ou c'est un peu de l'aide éventuellement, c'est à longueur d'onde. Tu le sens intérieurement, tu le perçois, les événements de la vie te le démontrent. Quand je parle de 30 ans, je dis ça prend 2 ans, 15 ans. Je dis, par exemple, une personne peut être en évolution vers l'esprit mental, puis une personne ne peut pas avoir eu contact avec cette énergie-là. Il y a un déséquilibre qui se fait. Okay? Mais la personne qui n'a pas eu contact avec cette énergie-là, un jour peut l'avoir ce contact avec cette énergie-là. Ça fait dans 2 ans, ça fait dans 5 ans. Donc, c'est à la personne qui est en contact avec l'énergie de sentir s'il y a une possibilité avec cette personne-là d'entrer en contact avec cette énergie-là. À ce moment-là, tu peux attendre 2 ans ou 2 mois ou 6 mois. Mais par contre, il y a des gens, tu sais que ça ne peut pas. Il y a des gens qui sont barrés à 40, là. Tu sais qu'il n'y a rien à faire. Quand tu sais, quand tu es absolument certain qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Tu sais, de quoi s'en fait contre lui. Bon, c'est ça. Ça dépend toujours de vous autres, ça dépend de votre résistance, ça dépend de bien des facteurs. Tu peux, une personne peut très très bien aimer son mari ou sa femme, si lui est là-dedans, puis elle ne l'est pas. Mais il y a un lien d'amour qui est très, qui parce que les gens ont des qualités. C'est pas parce que vous êtes dans le super mental que les gens qui sont dans le super mental n'ont pas des qualités. Ils ont des très grandes qualités, ces gens-là.

did that both in my life. Because Father's in Nigeria, I'm here doing it. I thought that I could see it. Say so. Say so. C'est pas plaisant parce que tout va faire des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Tu nourris le moins possible. Ah, tu nourris en faisant des nouvelles formes, mais tu as que. Le moins possible, tu dois faire un petit peu de connaissances. Ou des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Ça, que vous avez éventuellement à compter avec le niveau vibratoire. Quand vous êtes arrivé au niveau vibratoire, là, là, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'être nourri. Mais là, vous avez une grande capacité d'entendre, d'écouter, d'absorber, d'absorber, d'absorber, d'absorber, d'absorber. Grande grande. Là, vous grandissez. Parce que ça change vos vibrations. Il y a bien des choses dans ce que je dis. Après, ça quitte, puis après, ça quitte. C'est quand même étonnant, hein, que tu dis que le monde est pris, c'est une chose, que réellement une chose des choses devant faire partie des forces de Mais je l'emploie le mot parce que c'est ça, c'est détruire des parts pour en créer des nouvelles. Il faut être en dehors de la forme pour pouvoir la détruire. Ce que font les forces, ce que tu appelles les forces de ténèbres, c'est qu'elles se servent de la forme pour emprisonner l'homme dans la forme. À tous les niveaux. C'est ça que souvent, quand quand je communique avec des gens qui ont des contacts, des gens négatifs, ils m'aiment pas. Tu comprends? Ils m'aiment pas. quoi ton rêve? Je ne veux pas me dire, pensez. Parce que je détruis les femmes dont eux se servent pour maintenir l'homme sous leur domination. Il y a un pas qui disait, il m'a dit, c'est le connard qui répond, qu'est-ce qu'ils se prennent? Parce que lui, il est dans l'esprit d'attitude. Ensuite, j'ai demandé, il dit, s'il peut me mentir. Il dit, mange la main! Alors là, j'ai dit, mange donc si je suis bon ou je suis mauvais. Et il répond. J'ai dit, mendier encore s'il peut me mentir. Là, il a dit, non. Là, il a dit. Et j'ai dit, mendier pourquoi? C'est là qu'il dit, la lumière. Il a connu qu'il n'y a pas de vie dans la lumière. On avait un moment donné qui était fier, parce qu'il avait été là.